Tu peux me donner ton adresse mail? Oui, c'est samia-92@hotmail.com. S A M I A tiré du bas 92@hotmail.com. Merci, je t'envoie un email.